Chapitre 21. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une atmosphère étrange. Chaque matin, Chico, comme si chaque fois qu'il ouvrait les yeux, les gestes de la nuit s'effaçaient automatiquement de sa mémoire, redevenait déférent, un peu lointain, et continuait à s'adresser à Ami en lui donnant du « vous ». La jeune femme faisait de même. Jamais entre eux, ils n'évoquaient leur rapport nocturne. Cette censure interdisait que la moindre intimité s'installe dans le couple. Ami ne parvenait pas à démêler si cela la rassurait ou la fâchait secrètement. Elle supposa que son sort ressemblait en tout point à celui des filles mariées contre leur gré à un inconnu choisi par leur père. Il fallait supporter en souriant et surtout ne jamais parler de ces choses. Abstraction faite de leur accouplement silencieux, ils se comportaient comme deux étrangers, polis, n'ayant pas grand-chose à se dire. Finalement, conclut Ami, nous nous entendions mieux avant de coucher ensemble. Le sexe avait installé entre eux une gêne qui gâchait tout. Avant cela, ils auraient pu devenir amis. Maintenant, c'était trop tard. Le travail au chantier nécessitant une grande dépense physique, les ardeurs de son compagnon s'apaisèrent. Elle en fut soulagée. Elle ne sortait guère de la maison, sachant que les hommes scruteraient son visage pour y détecter avec avidité les traces d'une débauche supposée. Elle imaginait sans mal leurs commentaires. Curieusement, depuis qu'ils s'étaient unis, Chico semblait plus taciturne que par le passé. Il ne se donnait aucun mal pour briller aux yeux de sa nouvelle femme et, le soir, une fois le dîner expédié, s'effondrait sur sa couche pour dormir d'un sommeil de plomb. « Il est déçu, se dit Ami. Sans doute voyait-il en moi une formidable courtisane. Elle éprouvait une vague culpabilité à son endroit et finissait par s'étonner de ne prendre aucun plaisir au jeu du lit. Peut-être ai-je toujours été ainsi, songea-t-elle, à moins que ma blessure ne m'ait rendue frigide. Elle avait honte, à son âge, de se conduire comme ces pucelles que la nudité masculine effarouche. Elle se rappelait les confidences de Ziegfeld. Ne lui avait-il pas affirmé qu'elle avait eu jadis une vie amoureuse mouvementée? Puis, elle était tombée amoureuse d'un homme qu'on avait assassiné. Son corps se souvenait-il des étreintes de cet ancien amant? Refusait-il qu'on le remplaçât? Je deviens stupidement romantique, décida-t-elle. Ici, il n'est pas question de passion, seulement de survie. La tournure des événements la laissait désorientée. C'est curieux, se répétait-elle. J'avais pourtant envie de lui, mais tout s'est évaporé lorsqu'il a posé les doigts sur moi, et je suis incapable de savoir pourquoi. Elle essaya de se concentrer sur la somme des connaissances qu'il lui fallait amasser. Les légumes, les plantes vénéneuses, la façon de piéger les animaux. Elle apprenait à dépouiller les bêtes à fourrure, à tanner leur peau, à coudre le cuir, à fabriquer des mocassins. Les femmes de la communauté se montraient avares d'explications et peu enclines à lui transmettre leur savoir. Ami les soupçonnait même de l'induire en erreur, notamment dans le domaine des plantes non comestibles. Un jour, prise d'un doute subit, elle alla solliciter les lumières du Suédois. Il lui confirma qu'elle s'apprêtait à cuisiner des champignons vénéneux, non mortels, mais susceptibles de déclencher d'effroyables coliques chez celui qui les ingérerait. Les salopes, songea Ami en jetant le contenu du panier dans le fossé. Je vois que vous faites des efforts considérables pour devenir opérationnel, lui déclara Gunnarsson. C'est bien. Il convient que vous ayez assimilé ces choses avant de tomber enceinte. Après, ce sera plus difficile. Ami, frappée de stupeur, réalisa qu'elle avait chassé cette éventualité de son esprit. Elle ne comprenait pas pourquoi, du reste. C'était absurde, bien sûr, et elle s'étonna d'un tel cheminement de pensée. Elle remarqua dans le même temps que Gunnarsson ne lui proposait plus de le seconder dans sa recherche de plantes médicinales. C'était là, à n'en pas douter, sa manière de se venger du chantage imposé par Chico. « Il s'imagine probablement que j'ai fait pression sur Palatino, se dit-elle. Ou que nous avons concocté cette escroquerie à deux. » Elle ne tarda pas à prendre conscience qu'elle n'était pas taillée pour ce genre d'existence. Les légumes, la soupe, le tissage. La soupe, les légumes, la soupe, le... Quand le soir venait, elle essayait d'obtenir de Chico des détails sur son enfance, sa carrière de chanteur, sa vie au Brésil, il répondait d'un haussement d'épaules. Lorsqu'elle l'entreprenait au sujet du phare, essayant de tirer de lui des détails techniques, il coupait court, lui répondant qu'il était inutile d'en parler puisque, de toute manière, elle n'y comprendrait rien. Jamais il ne manifesta la moindre curiosité quant à ce qu'Amie avait vécu avant d'échouer sur l'île. Un soir, irrité de tant de questions, il lui déclara d'un ton sec « Vous devez comprendre une fois pour toutes que la communauté fonctionne sur le système de la Légion étrangère. Nous avons pour principe de ne jamais évoquer nos vies antérieures. Par ailleurs, je ne suis pas un brillant causeur. Je suis un homme simple. Si j'avais su que vous aimiez à ce point la conversation, j'aurais soudoyé Gunnarsson pour qu'il vous accouple à Devereux. Ce vieux bouc vous aurait entretenu des splendeurs de l'Antiquité toute la nuit durant. » Elle n'insista pas. Après s'être interrogée sur l'agressivité latente que lui témoignait Chico, elle finit par se demander s'il ne se sentait pas humilié de ne point parvenir à l'émouvoir charnellement. C'était un homme du Sud, un Latin, qui mettait un point d'honneur à faire se pâmer les femmes. L'indifférence de sa compagne le diminuait à ses propres yeux. Amie fit un effort pour s'appliquer sans obtenir aucun résultat. Au bout de 3 semaines de cohabitation, Chico la toucha de moins en moins. Elle supposa qu'il prenait son plaisir ailleurs, et cela sans difficulté, puisque toutes les femmes de la communauté lui faisaient les yeux doux. « Je suppose qu'il doit leur expliquer que je ne suis qu'une Anglaise frigide, » songea Amie. Cela l'agaça. Elle prit bientôt l'habitude de travailler sur le seuil de sa case pour observer la construction de la tour. Comme Siegfried l'avait jadis formée aux arts de la voltige, elle ne tarda pas à trouver que les charpentiers manquaient de souplesse et de sens de l'équilibre. Leur absence de maîtrise ralentissait les progrès de l'ouvrage. Ils se montraient souvent timorés, là où un professionnel du trapèze aurait fait des prodiges. Chico lui-même n'avait rien d'un expert. Il n'avait pas ce sixième sens qui permet aux funambules de frôler 100 fois la chute sans jamais y succomber. « Je ferais beaucoup mieux, estima-t-elle. Au lieu de peler les courges, je serais plus utile sur la tour. Je n'aurais aucun mal à me hisser là où aucun d'eux n'ose poser le pied. » Le soir même, elle fit part de ses réflexions à son compagnon. « J'ai été trapéziste, expliqua-t-elle, danseuse de cordes. J'ai passé mon adolescence dans un cirque à faire de la haute voltige. Je rendrai de grands services sur le chantier. » « Non, répliqua Chico d'un ton tranchant. Ce n'est pas la place d'une femme. Vous voulez me ridiculiser ? Vous faites donc partie de ces Anglaises qui s'estiment plus fortes que les hommes ? Comment les appelle-t-on déjà ? Des suffragettes, c'est ça ? Si je vous laissais faire, de quoi aurais-je l'air ? Je suis le ciment de cette communauté, l'homme fort. Gunnarsson en est la tête, l'esprit, mais moi j'en suis le bras armé. Si je vous autorisais à gambader sur la tour, on croirait que vous portez la culotte. Il n'en est pas question. » Amie vit qu'il contenait sa colère. Il serrait les poings, une veine palpitait sur sa tempe. « Je sais que vous êtes déçu comme je le suis moi-même, » reprit-il, les yeux baissés sur son assiette. « Nous nous sommes ratés. C'était imprévisible, mais c'est arrivé. Il va falloir faire avec pendant 1 an. Croyez bien qu'à la prochaine loterie, je ne ferai rien pour me substituer au hasard. Les choses iront leur course en tricherie. Sans doute trouverez-vous votre bonheur dans les bras d'un bûcheron moins dégrossi. D'ici là, je vous demande de sauver la face et de ne pas me rendre ridicule. Je ne vous toucherai plus et nous jouerons la comédie du couple tranquille. Cela vous convient-il ? Je ne sais pas, voix amie. Je ne veux pas perdre 1 an à peler les courges. Je persiste à penser que vous commettez une erreur en m'écartant de la tour. Ça suffit, gronda Chico en abattant son poing sur la table. La tour, mais qu'imaginez-vous ? La tour n'a pas d'importance, ce n'est qu'un leurre. Un moyen pour occuper les hommes, épuiser leurs pulsions combatives. La tour n'est qu'un système de gouvernement, un but commun illusoire. Se rapprochant d'Amie à la toucher, il chuchota d'une voix haletante. « Vous voulez savoir la vérité ? Ce ne sont pas les tempêtes qui abattent la tour. C'est moi. Chaque fois qu'elle menace d'être achevée, je profite du premier grain pour la saboter. Ainsi elle s'écroule et nous recommençons. » La jeune fille recula interdite. « Mais pourquoi ? » gémit-elle. Gunnarsson prétend que ce phare pourrait être aperçu à des milles à la ronde. Et alors, grogna Chico, même si c'était vrai, vous pensez vraiment que nous aurions à y gagner? Un bateau viendrait nous secourir et ensuite? Et ensuite, hein? Il nous faudrait reprendre nos vies d'avant, dans un monde en plein chaos, ravagé par la guerre? Je redeviendrai un chanteur raté en fin de carrière, et vous? Vous, quoi au fait? Une Anglaise qui trahit son pays? Une espionne? Me croyez-vous plus bête que je ne suis? Partout ailleurs, on vous fusillerait. Ici, sur l'île, on vous accorde une seconde chance sans vous demander de fournir des comptes. Et vous voudriez partir? Mais je ne suis pas une criminelle, protesta Amy. Mais au moment où elle prononçait ces mots, elle pensa. Est-ce seulement vrai? Qu'est-ce que j'en sais après tout? Criminelle ou pas, je m'en fiche, aboya Chico. Je vous demande seulement de rester à votre place et d'imiter les autres femmes. Si vous en êtes incapable, je serai forcé d'exiger de Gunnarsson qu'il vous chasse de la communauté. Vous partirez, mais nous conserverons la petite fille. Sharon, de quel droit? Du droit que nous donnera votre défection. En nous quittant, vous diminuerez le cheptel féminin d'une tête. Il est juste que vous compensiez ce préjudice par un don. Sharon sera le montant de votre amende. Elle paiera le prix de votre liberté. Salaud, octa Amy. Chico éclata d'un rire moqueur et quitta la hutte. La première pensée d'Amy fut d'aller chercher de l'aide auprès de Ziegfeld, puis elle se ravisa. Elle se méfiait des réactions du vieux voleur. Il était tout à fait capable d'abattre Chico, ce qui déclencherait une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. De toute manière, obsédé par la présence des joyaux de la couronne, il ne quittait plus le U-boat, de peur qu'Eric Weser lève l'ancre sans lui. Par moments, Amy se demandait s'il n'était pas en train de sombrer dans la démence sénile. Palatino ne rentra pas de la nuit. Au matin, la jeune femme alla trouver le Suédois afin d'obtenir des précisions sur cette histoire d'amende ou de dédommagement. Gunnarsson commença par confirmer les menaces de Chico. Si Amy était exclue de la collectivité pour mauvaise conduite, les bûcherons conserveraient Sharon auprès d'eux pour l'élever dans le respect des règles communes. Ce sera d'autant plus facile qu'aucun lien de parenté ne vous lie à cet enfant, précisa Gunnarsson. J'ai cru comprendre que vous n'étiez que sa nurse. Depuis qu'elle s'est installée chez Devro, elle n'est pas descendue une seule fois vous rendre visite. Je crois qu'elle se détache de vous. Les enfants de cet âge sont très changeants dans leurs affections. En outre, elle cherche à s'intégrer. Sentant croître la nervosité d'Amy, il fit machine arrière et retrouva son sourire pastoral pour déclarer « Je pense que nous nous échauffons en vain. La tour sera achevée d'ici 2 semaines. J'allumerai alors à son sommet un foyer qu'on verra de très loin. Je suis sûre qu'on ne tardera pas à nous porter secours. » « Sauf si elle s'écroule une fois de plus, » siffla la jeune femme, se remémorant les confidences de Chico. « Avez-vous pensé que certains membres de la communauté n'ont peut-être aucune envie d'être sauvés? À votre place, je me montrerai plus vigilant qu'à l'accoutumée. » Le Suédois s'il a. Amy sentit qu'elle avait réveillé en lui de secrètes appréhensions. « Je prendrai mes précautions, assura-t-il. Cette fois, je posterai des sentinelles. » « Croyez-vous réellement qu'on distinguera la lumière du phare à travers le brouillard qui entoure l'île ?»« Oui. » J'ai fini par réunir tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du feu grégeois des anciens. Saviez-vous ce qu'est le feu grégeois? La jeune femme fit la moue. Vaguement, avoua-t-elle. Gunnarsson se redressa en proie à une brusque agitation. C'est un feu que personne ne peut éteindre et qui prend encore plus d'ampleur si on l'asperge d'eau, haleta-t-il. Une réaction chimique se produit qui rend les flammes encore plus brillantes. On l'utilisait jadis dans les arts de la guerre pour incendier villes et navires. On dit qu'une galère embrasée par le feu grégeois continuait à brûler sous l'eau, alors même qu'elle avait touché le fond de l'océan. De nombreux chercheurs ont essayé de retrouver sa composition qui est toujours demeurée secrète et requiert une foule d'éléments insolites ou non cryptés. Ils n'ont jamais produit que de pâles imitations. Je pense quant à moi que j'ai reconstitué la vraie formule, celle jalousement gardée par les prêtres des cultes guerriers. Il s'emballait comme toujours. La sueur faisait briller son visage glabre d'éternel petit garçon. J'allumerai ce feu au sommet de la tour, affirma-t-il, et aucune averse ne pourra l'éteindre. Au contraire même, la pluie le vivifiera, si bien qu'on le verra briller de loin sur la mer, haut et clair. J'ai confiance, ami. Cette fois, notre délivrance est proche. Voilà pourquoi il est superflu de nous quereller. Tout va s'arranger. Un vaisseau nous repérera, il nous recueillera à son bord et la vie recommencera, comme avant. Nous nous dépêcherons d'oublier les règles idiotes qu'il nous a fallu observer ici. Il semblait en transe, la jeune femme jugea inutile d'insister. Elle quitta la case, l'abandonnant à ses rêves. Les jours suivants, elle passa de plus en plus de temps à surveiller la construction de la tour. Elle constata que ses insinuations avaient porté leurs fruits, puisque Gunnarsson inspectait le chantier chaque soir d'un œil méfiant. Il allait, venait, vérifiant la solidité des attaches, des emboîtements, donnant des coups de pied ici et là. À plusieurs reprises, il signala à Checo des malfaçons et exigea que les parties défectueuses soient démolies puis reconstruites. Palatino ravalait sa colère et obéissait. « Ça ne va plus être aussi facile, mon bonhomme, » ricana intérieurement Ami. « À présent, le petit père Gunnarsson t'a à l'œil. » Afin de rallier la population à son projet, le Suédois procéda à une démonstration publique des pouvoirs du feu grégeois. Après avoir enflammé une pâte mystérieuse au fond d'un godet de pierre ponce, il demanda aux spectateurs d'essayer de l'éteindre en l'aspergeant d'eau. Le prodige annoncé eut lieu. À chaque nouvelle aspersion, la flamme crépitait de plus belle, comme si l'eau lui infusait une énergie nouvelle. On dut toutefois abréger l'expérience, car la fumée menaçait d'asphyxier les spectateurs. « Vous voyez, triompha Gunnarsson, en plaçant un couvert sur le récipient afin que le feu s'étouffe par manque d'oxygène. Ça fonctionne. Les averses tropicales ne pourront pas éteindre le phare. » Les bûcherons hochèrent la tête, impressionnés par la magie du petit homme. Ils échangèrent des regards où brillait l'espoir. Cette fois, on allait peut-être enfin quitter cette île maudite. « Ça fonctionnera si la tour tient, » insista Gunnarsson. « Pour ça, il faut qu'elle soit bien construite. C'est pourquoi je vous demande de vous appliquer. Ne bâclez pas. Chaque nœud, chaque emboîtement concourt à la solidité de l'ensemble. Ne vous dites jamais « ça suffit ». Pensez au contraire « ne pourrais-je faire mieux ?» Pendant qu'il prononçait ce discours, il ne cessa de fixer Checo dans les yeux, comme pour lui signifier qu'il savait tout, et ne se laisserait pas aussi facilement berner que les fois précédentes. Le travail reprit avec une ardeur nouvelle. Ami, toutefois, ne pouvait s'empêcher de déplorer la maladresse des ouvriers. Dès qu'il parvenait dans les hauteurs, il perdait toute aisance et cédait au vertige. Aucun d'entre eux n'était charpentier de profession, et cela sautait aux yeux. 10 fois par jour, il frôlait la perte d'équilibre, la chute mortelle. Une fois de plus, Ami décida de s'en ouvrir aux Suédois. « Vos gars paniquent dès qu'ils arrivent aux étages supérieurs, » lui expliqua-t-elle. « Une fois là-haut, ils n'ont plus qu'une envie, descendre plus vite. Voilà pourquoi ils bâclent le boulot. C'est la raison pour laquelle votre face se déglingue toujours par le haut. Je me trompe ?»« Non, » avoua Gunnarsson. « Mais comment y remédier ?»« Laissez-moi m'occuper du sommet, » plaida Ami. « Je n'ai pas peur du vide, je prendrai le temps de vérifier chaque attache. » Je traquerai les vis de construction. Elle lui exposa son passé d'équilibriste, de danseuse de cordes, sans parvenir à le convaincre. Elle eut l'impression qu'il la prenait pour une mythomane. « Ce que vous me demandez est impossible, » soupira-t-il. « C'est Checo le maître d'œuvre depuis toujours. Si je vous permettais de contrôler son travail, il en serait terriblement humilié. Il perdrait la face. Non, non, c'est impossible. » « Je ne peux pas me permettre de mécontenter Checo Palatino, même si je n'ai pas totalement confiance en lui. C'est un garçon à la morale plutôt floue, esclave de ses passions, mais il sait faire preuve d'autorité. Il tient les hommes en main. Sans lui, beaucoup refuseraient de se rendre au chantier et passeraient leur journée à fainéanter. Je dois lui rendre cette justice qu'il a su instaurer une discipline de fer. Tant qu'il sera là, nous n'aurons pas à redouter une mutinerie. « Allons, » trancha Ami avec impatience, « cessez de jouer les moralistes. Vous savez très bien qu'ils sabotent la tour régulièrement. parce qu'il n'a pas envie de quitter l'île, parce qu'il lui plaît de jouer les chefs. Si je n'inspecte pas les derniers étages du phare, une autre catastrophe se produira. Non, Alta Gunnarsson. Pas cette fois. Je lui ai fait comprendre que je savais tout et je l'ai à l'œil. Il n'osera pas. Vous croyez qu'il a peur de vous, ricana la jeune femme. Vous êtes loin du compte. Ça suffit, laissez-moi, gémit le Suédois. Depuis que vous êtes arrivé, tout va de travers. Vous avez semé le trouble dans notre communauté. Je me demande si je ne ferais pas mieux de vous chasser sans attendre, vous et votre affreuse petite fille. Amy résista à l'envie de le gifler et se retira. Elle remarqua que les hommes la regardaient moins qu'avant. Chico a dû leur raconter que je n'étais bonne à rien au lit, se dit-elle. Une vraie planche à pain, une bûche, un cadavre, une noyée, une chèvre morte. Les hommes ne manquent pas de comparaison dès qu'il s'agit d'évoquer ces choses. L'accident qui devait tout déclencher se produisit alors que Sébastien, un garçon d'une vingtaine d'années, travaillait au dernier étage de la tour. On l'envoyait là-haut parce qu'il était le plus mince, ce qui ne le rendait pas plus habile pour autant. Palatino était trop carré pour prétendre se glisser au sommet. À cette hauteur, le phare encaissait le vent marin de plein fouet et oscillait dans les bourrasques avec la souplesse d'un cocotier. Il fallait jouir d'un remarquable sens de l'équilibre pour se déplacer dans cet espace réduit dont les rafales essayaient constamment de vous déloger. En fait, plus la tour s'amincissait, moins les ouvriers s'avéraient en mesure d'y accéder. Ceux qui travaillaient au sommet étaient des adolescents, fluets, que la hauteur terrorisait et qui bâclaient la besogne pour retrouver la terre ferme au plus vite. Ce jour-là, Sébastien dévissa avec un grand cri et resta suspendu dans le vide, accroché à une traverse. Chico tenta de se porter à son secours, mais il était lourd, malhabile. Sa maîtrise de la samba ne faisait pas de lui un grimpeur émérite. Sans réfléchir, Amy s'élança. Elle n'avait aucune idée de la manière dont elle devait s'y prendre, mais elle savait que les réflexes acquis dans son enfance joueraient à plein fouet lorsqu'elle serait à pied d'œuvre. Effectivement, dès qu'elle commença à escalader les traverses, ses mains et ses pieds bougèrent indépendamment de sa volonté, telles des mécaniques conçues de toute éternité dans un but unique. Elle n'avait pas peur du vide, elle était à l'aise. Elle progressait vite et bien, avec une souplesse simiesque qui laissa les spectateurs pantois. Il ne lui fallut pas longtemps pour atteindre le sommet et secourir Sébastien qui était sur le point de lâcher prise. Quand elle le hissa sur la passerelle, il s'effondra en sanglotant. Elle dut attendre qu'il se calme. Terrorisé, il refusait de descendre. Amy dut lui nouer une corde autour de la taille pour qu'il accepte enfin de regagner le sol. Assez naïvement, elle avait pensé que son exploit serait salué par des acclamations. Au lieu de quoi, elle mit pied à terre dans un silence accablé, comme si elle venait de commettre une erreur impardonnable. Même Sébastien s'arracha à ses bras pour s'éloigner tête basse, sans un mot de remerciement. Chico, blême, la saisit par le poignet et l'emmena à l'écart. « Avez-vous conscience de ce que vous venez de faire » haleta-t-il. « Vous avez déshonoré Sébastien et vous m'avez ridiculisé par la même occasion. C'était à moi de sauver ce gosse. Je suis le maître d'œuvre, vous n'aviez pas à vous substituer à moi. » Alors il serait mort, coupa Amy. Jamais vous n'auriez pu grimper là-haut. Vous n'êtes pas assez souple, vous n'avez aucun sens de l'équilibre. Et alors, explosa Palatino, quelle importance! Il aurait encore mieux valu que Sébastien s'écrase au sol. Vous l'avez condamné à devenir la risée de ses camarades. Sauvé par une femme. Vous imaginez? Ça va lui coller à la peau. À l'heure qu'il est, il vous maudit déjà d'être intervenu. C'est moi qui l'attendais. Alors il risquait d'attendre longtemps, ricana Amy. Vous ne seriez jamais monté le rejoindre. Vous en étiez incapable. Ça suffit, gronda Chico. Vous m'avez fait perdre la face devant tout le village. Je vais être forcé de vous corriger en public. Quoi ? Balbutia Amy. C'est la règle, répliqua sèchement son interlocuteur. Une femme qui déshonore son mari doit être punie sur le champ, devant la communauté rassemblée. Je suis désolée, mais c'est vous qui m'y contraignez. Si je ne vous punissais pas, je perdrais mon autorité sur les ouvriers. Il me mépriserait et refuserait d'obéir. Ce serait le début de l'anarchie, la fin du clan. Gunnarsson ne le permettra pas, Alta ami. Palatino éclata d'un rire méprisant. C'est là que tu te trompes, ma belle, siffla-t-il entre ses dents. Le Suédois ne te défendra pas. C'est de moi que dépend l'achèvement de la tour. De moi seul. Les ouvriers qui s'écrasent au sol ne l'émeuvent pas outre mesure. Il y en a eu un certain nombre depuis l'ouverture du chantier. Ça ne l'a jamais empêché de dormir. Son foutu phare, c'est tout ce qui compte. Sa main se resserra sur le poignet de la jeune femme. Avant qu'elle ait pu réagir, il l'avait ramenée au milieu du cercle des témoins. Un instant, Amy crut qu'elle allait élever une protestation, prendre son parti. Mais l'une d'elles se détacha du lot pour tendre quelque chose à Chico. Quand le Brésilien leva le bras, Amy vit qu'il s'agissait d'un fouet. Elle n'avait nullement prémédité ce qui suivit. Sa réaction fut le produit des années d'entraînement auxquelles Siegfried Hortz l'avait soumise lorsqu'elle était adolescente. Son corps décida sans lui demander son avis. Elle n'eut même pas conscience des mouvements qu'elle exécutait. Quand elle reprit conscience, elle réalisa que Chico Palatino gisait à terre en se convulsant de douleur, l'épaule luxée. Amy avait bloqué le bras de l'homme au moment où il s'abaissait, et lui appliquant une tension savante, avait fait jaillir la tête de l'humérus de la cavité articulaire. La foule recula. Hommes et femmes dévisageaient Amy avec une expression de dégoût, comme si elle venait de commettre un crime défiant l'imagination. Le Suédois bondit, empoigna Amy par les cheveux et lui murmura à l'oreille « Laissez-vous faire, ne résistez pas ou bien ils vont vous lyncher. » Vociférant comme un damné, il se mit alors à vomir un torrent d'injures particulièrement déplacé chez un individu d'ordinaire si correct. Il accompagnait chaque grossièreté de coups de poing tout en poussant Amy vers la case du conseil tribal. Dès qu'ils en eurent franchi la porte, il cessa son manège et lâcha la jeune femme. « Je ne peux plus rien pour vous, balbutia-t-il, le visage rougi par l'effort. Vous avez humilié votre époux en public, devant témoin. Il a désormais le droit de vous tuer. »« Quoi ?» murmura Amy. Gunnarsson eut un geste vague, épuisé. « C'est une ancienne coutume. Les bûcherons ont exigé qu'elle figure parmi nos lois. J'ai dû céder. Je ne pensais pas qu'elle servirait un jour. Ce sont des hommes frustres. Des émigrants qui sortent à peine de la jungle. Certains ne savent ni lire ni écrire. » Inquiet, il s'approcha de la fenêtre pour observer ce qui se passait sur la place du village. « Il ne fallait pas toucher à Chico, gémit-il. C'est leur dieu. Vous avez commis une faute impardonnable. » « Il fallait que je me laisse frapper, c'est ça, chointa Amy. » « Bon Dieu, oui, s'emporta Gunnarsson. Vous êtes plus intelligente que ces gens-là. » Vous les dominez par l'esprit, être frappé par des imbéciles et sans importance. Pas pour moi. Non, vous préférez qu'ils vous tuent? Que vous êtes sotte. Il suffisait de laisser passer l'orage. Vous vous seriez vengé plus tard, une fois la tour terminée. Je vous y aurais même aidé. Croyez-vous que je ne souhaite pas, moi aussi, être débarrassé de Chico Palatino? Il se reprit, essuyant son visage en sueur avec un morceau de tissu. « Restez ici, ordonna-t-il. Je vais sortir leur dire que je vous ai mis en cellule et qu'on vous jugera demain, quand Chico sera guéri. J'espère qu'ils m'écouteront. » « Et ensuite ?»« Ensuite, je donnerai un sédatif à Palatino, une pilule qui le fera dormir toute la nuit d'un sommeil de plomb. Vous en profiterez pour vous évader et rejoindre vos amis allemands. Restez avec eux. Ne remettez jamais les pieds dans cette partie de l'île si vous tenez à la vie. » « Et vous, ils vous pardonneront de m'avoir laissé filer ?»« Je suis leur unique médecin, ils n'ont pas le choix. À présent, taisez-vous et laissez-moi faire. » Il sortit pour se mêler aux ouvriers et aux femmes. Il palabra longuement. Amy ne comprit pas ce qu'il disait. De toute évidence, les bûcherons n'entendaient pas laisser le crime impuni. Gunnarsson leur ordonna de l'aider à transporter Chico jusqu'à sa hutte. La jeune femme remarqua que le Suédois se gardait bien de remettre en place l'épaule du Brésilien, ce qui lui aurait été facile. En le laissant souffrir, il empêchait Palatino de réclamer vengeance. Amy songea à Sharon. Elle devrait passer récupérer la fillette en quittant le camp. Il était hors de question de l'abandonner aux mains des bûcherons. Nul ne pouvait prévoir quelle serait leur réaction lorsqu'ils découvriraient que la criminelle avait pris la fuite. Ami les estimait tout à fait capables de reporter leur haine sur la petite fille. Gunnarsson réapparut blême. « J'ai eu du mal, balbutia-t-il. Ils sont déchaînés. Vous savez qui exige votre tête avec le plus d'âpreté ? Les femmes et Sébastien, le garçon que vous avez sauvé. Ils veillent sur Chico. Ils ne vous toucheront pas, ce serait contraire à la loi. Vous appartenez à Palatino. Vous punir est un privilège qui lui revient de droit. Les matrones suggèrent qu'au lieu de vous tuer, ils pourraient se contenter de vous couper le nez et les oreilles, ce qui aurait le mérite de vous laisser disponible pour la reproduction et les corvées. Les hommes, eux, proposent qu'on fasse de vous une fille publique à la disposition des ouvriers et qu'on enchaînerait dans une case à l'écart du village. J'ai prétendu vous avoir emprisonné. Nous disposons d'une cellule dans le fond, là-bas. En réalité, c'est une ancienne cage à fauves récupérée dans l'une des épaves. Je suis le seul à posséder la clé du cadenas qui la ferme. Il s'assit à bout de force. Il se versa à boire d'une main tremblante. « Vous partirez quand la nuit sera tombée, chuchota-t-il. Je ne sais pas combien de temps Chico va dormir. Il a avalé le cachet, mais il est robuste. Il est possible qu'il se réveille dans 3 ou 4 heures. Il peut très bien exiger de vous punir sur le champ. Il le fera ? Il n'a pas le choix. S'il vous pardonnait, il perdrait toute ascendance sur les hommes et sur les femmes. J'ai très peur qu'il n'imagine quelque chose de déplaisant pour vous humilier autant qu'il l'a été. » Il pourrait vous livrer aux ouvriers, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vais partir. Je ferai un crochet par le village pour récupérer Sharon. Gunnarsson frémit. Ce sera dangereux, fit-il. C'est un parcours à découvert. On pourrait vous voir. Soyez prudente. Mais vous avez raison. Il est préférable d'emmener la petite fille. Elle pourrait faire les frais de cette lamentable histoire. Il consulta sa montre. « L'obscurité sera là dans 1 heure, soupira-t-il. Je suis désolé que les choses aient tourné de cette façon. »